Le comité de mesures de secours urgent des victimes d'enlèvement forcé de la République populaire démocratique de Corée a publié le 10 l'information détaillée. En voici le résumé. Plus de 150 jours ont passé depuis que nos citoyennes en mission à l'étranger ont été kidnappées collectivement en Corée du Sud par les agents du centre de renseignement sud-coréen. Malgré la protestation et la condamnation du pays et du monde, les autorités sud-coréennes ont livré auprès de nos filles le complot lâche et cruel de conversion et ces derniers jours ont ouvert même une soi-disant interview afin de faire de cette affaire l'abandon d'une heure selon la volonté libre. Mais quelle que soit leur démarche scélérate, on ne peut jamais cacher le crime terroriste d'avoir enlevé collectivement nos citoyennes. L'information détaillée a mis au grand jour le crime d'enlèvement collectif de la maîtresse de la Maison Bleue et des autorités sud-coréennes et leur emportement pour se débarrasser de la responsabilité.